Ziki. Libanga na ndongo. Mes amis, voilà le problème. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Moi, voulu beaucoup danser. Danse Biggie, danse Soukous, danse Maloya, danse Sega, danse le Zouk, danse Reggae, danse Lambada, danse Soga. Ah. Y'en a l'argent, y'a pas l'amour. Moi, voulu beaucoup blaguer. Ah, beaucoup blagué, ah, beaucoup blagué. Lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Ah. Oh,